enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Alors, Daniel en votre compagnie, et ils sont deux aujourd'hui à la technique, il y a Yves et Alexandre, pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation de ce jour comprend, comme d'habitude, du zouk antillais, une balade avec un seul L. Autour d'un mot, et aujourd'hui le mot, ça sera le mot pinceau. Et puis un voyage musical, on va pas très loin, on reste en France aujourd'hui, et nous allons au Pays Basque, et puis trois coups de chapeau à Alexis HK. Bah, c'est le zouk qui ouvre la mission. Alors écoute, ce soir je ne pourrai pas venir. Ah oui, bah, j'ai changé d'idée, ma vision de la vie est maintenant plus claire. Je ne pourrai plus t'aimer. Écoute, Tris. À trop y réfléchir, je n'ai pas su remettre les voiles. Écoute, ce soir je ne pourrai pas venir. Oh oui, je crois que j'ai changé d'idée. Ma vision de la vie est maintenant plus claire. Je ne peux plus t'aimer. Je sais que chaque fois que je voulais, tu étais là pour moi. Maintenant mon cœur a choisi, il ne veut plus d'amour. Elle me dit laisse-moi t'aimer une dernière fois, sans arrière-pensée. Laisse-moi chanter encore une fois nos amours passés. Laisse-moi danser, mais cette fois un peu plus éloigné. Tu sais, ça fait déjà longtemps. C'est l'absence de celle qui change les couleurs. Mon bleu ciel intérieur, elle me manque et je ressens la grande ville autour de moi. Mais l'histoire de cœur qu'on n'oublie pas. Laisse-moi t'aimer une dernière fois, sans arrière-pensée. Laisse-moi chanter encore une fois nos amours passés. Laisse-moi danser, mais c'est pas venir. Ah oui, je crois que j'ai changé d'idée. Écoute, ce soir je ne pourrai pas venir, car j'ai changé d'idée. Car j'ai changé d'idée. Laisse-moi t'aimer une dernière fois, sans arrière-pensée. Laisse-moi chanter encore une fois nos amours passés. Laisse-moi danser, mais cette fois un peu plus éloigné. Laisse-moi t'aimer une dernière fois, sans arrière-pensée. Laisse-moi chanter encore une fois nos amours passés. Laisse-moi danser, mais cette fois un peu plus éloigné. Déjà longtemps que j'y pense, et l'absence de celle qui change les couleurs. Mon beau ciel intérieur, elle me manque et je ressens. Et je ressens la grande ville autour de moi. Une histoire de cœur qu'on n'oublie pas. Laisse-moi t'aimer une dernière fois, sans arrière-pensée. Laisse-moi chanter. Laisse-moi t'aimer une dernière fois, Voyage. Mais aujourd'hui, on va partir pas très loin, on va rester en France. Nous allons au Pays Basque français. Ben, c'est la partie occidentale des Pyrénées-Atlantiques. Et il concerne trois anciennes provinces, des provinces historiques, le Labourd, la Soule et la Basse-Navarre. C'est une région, Pays Basque, à la fois très montagneuse et océane à la fois, pour une population de 300 000 habitants. Les villes principales sont Bayonne, Biarritz, Anglet, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, et puis il y en a d'autres, bien sûr. La langue basque, ben, y est parlée par une minorité, mais plus forte en montagne. Alors, pour te faire plaisir, Alexandre, je vais te lire le titre du morceau suivant, « Iturringo Arotza ». Fidatu zurekin, San Kristobal urtuta, joarriak egin. Arotzak eran dio, bere andreari, urku behar dinagu, ekaran txanturi. Gizona zertazoaz bekatu da hori, ez jonagu erane, sekulan ni hori. Ituriko garaile, Ramontxo Joakin, Aztalera omen zira, zeren dudan jakin. Konfesa zaitero ongi erretorarekin, ez dute zer fidatu, santu eksurekin. Aujourd'hui, coup de chapeau décerné à Alexis Joscounian. T'as vu, je l'ai dit. Hein. Mais bon, pour la facilité, eh bien, il a raccourci son nom et il s'appelle maintenant Alexis HK, HK étant les deux lettres centrales de son nom. C'est un auteur, compositeur, interprète de chansons françaises qui est né en 1974 à Versailles et qui nous chante aujourd'hui La Maison Ronchonchon. Thank you.

dans une grosse paella. Il s'endormit d'un lourd sommeil, puis brusquement à son réveil, il se trouva en torero, armé seulement d'un gros pinceau. Bravo, bravo, mi piretto, olé, olé, sous les pinceaux. Dans le pays du passo noble, c'est toi le roi du pinceau noble. Pour lui, mon Dieu, quelle aventure, une corde baisse à l'allure, comme pour une course à la cocarde, le noir du pauvre le regarde, mais que de faire devant le taureau, lorsqu'on n'a qu'un gros pinceau, bravo, bravo, Michiletto. Avec Retour au pays, le DJ Jairo et Shaolin mettent en valeur la Guadeloupe, au risque de créer une frustration pour ceux qui sont partis et puis qui sont pas rentrés aux Antilles cet été. Retour au pays, DJ Jairo et Shaolin. Côté cœur, moi fais naufrage, c'est bon. Voyez le monde entier, c'est en cas songer, en cas songer. Voyez le monde entier, c'est en cas songer, en cas songer. cas en moi, en paix, en paix. Alors laissez-moi aïe, mon vrai soleil. La panne est limitante, très ciel, l'été. La monde va vivre très, nos mains et flèches. On veut pas rester là, on l'a souffert. Mais on joue qui vivait, qui est vous et moi, nous qui mauvais, tous les deux. Ça y est, on est au Pays Basque, admettons. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, admettons. Mais qu'est-ce qu'on y fait ? Alors bon, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, c'est la côte des Basques qui relie Anglette à Bilbao. Alors du côté français, on va apprécier les superbes étendues de sable. Et du côté espagnol, les falaises vertigineuses et abruptes. Biarritz. Ah, Biarritz, c'est le paradis des surfeurs. Anglette, ses plages et la forêt de Pignada. C'est le poumon vert, petit havre de paix. Et puis la promenade piétonne de la chambre d'amour. Oula, tout un poème. Et Bayonne et la Feria, qui reçoit 1,5 million de visiteurs. Et c'est le plus grand festival de France. Vous saviez pas ça, hein? La ville se pare de blanc et de rouge. On s'habille de blanc, foulard et ceinture rouge. Toujours à Bayonne, on ne manquera pas la cathédrale Sainte-Marie, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Andail, ne manquez pas le chapeau d'Abadia. Le style néo-gothique est impressionnant. Les gorges de Caqueta. Ça fait mort penser à cacahuètes. Les gorges de Caqueta et la passerelle d'Olzart, un canyon de 2 km vous attend et vous plonge au cœur d'une nature luxuriante et insoupçonnée aux aires d'Amazonie, disons-le carrément. La passerelle d'Olzarte, il faut avoir le cœur bien accroché quand même, c'est un pont de singe qui permet de franchir le canyon en étant suspendu à 140 mètres de haut, sensation forte garantie. Et puis, dans notre cher petit Bayonne, il est une pena, la pena Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Dax ou à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là, hymne d'aviron bayonnais. Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Il porte fièrement partout le foulard bleu et blanc. À Dax ou à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur le cher joueur du rugby roi. À Jean d'Augé ou bien partout à l'extérieur, sur tous les stades en fiévrier, elle nous met tant d'ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, c'est la Peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. passé, on applaudit à vos exploits, c'est gagné. Petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Dax ou à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. Tous nos joueurs brillent souvent, la victoire est au bout. Et nu de bleu et blanc, sa vie et la fête est partout. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. C'est la Peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais, jouer au rang, puis écarter, c'est laissé. On applaudit à vos exploits et c'est gagné. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chanson plus bifluorée que nous allons intégrer dans la balade autour du mot pinceau. Chanson en plus bifleurée, c'est un groupe musical fou, et fou de chansons françaises, chansons humoristiques spécialisées dans la parodie. Ils travaillent du pinceau, la chanson plus bifleurée. Les peintres en bâtiment sont des bons gars généralement. Ils sont en barbouillant leurs murailles en jaune ou en blanc. Parmi tous ces braves gens, y en a un cependant qui a bien tout du fou, c'est un grand méchant loup. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il a, comme dirait ma sœur, la folie des grandeurs. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il se gonfle, il se prend pour Attila, bien sûr qu'il en crèvera. Tra-la-la-la-la-la, sous les roses. Il a une maladie plus grave que l'aérophagie. Paraît que ça lui fait mal, il appelle ça l'espace vital. Quand il s'en rétrécit, alors il pousse des cris. Éclate de fureur, il bave que ça fait peur. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Alors il rentre chez les voisins, il fauche tout sur son chemin. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Un jour il tombera sans plus de face sur un beau bec de gaz. Tra-la-la-la-la-la, sous les roses. Il ne boit que de l'eau, il ne mange que des haricots. Il n'a pas de parents, n'a pas de femme, n'a pas d'enfants. Il lui manque l'honneur, il lui manque le cœur. Il lui manque à ce qu'on dit même autre chose aussi. Oh oh, oh oh, il lui manque le pinceau. Enfin quoi, il n'a pas d'amis, en bref il n'aime que lui. Oh oh, oh oh, il lui manque le pinceau. Ben malgré ça, il se trouve beau, moi je préfère Charlot. Tra-la-la-la-la-la, sous les roses. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Mixen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht. Und ich sag, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Tra-la-la-la-la-la, sous les roses. Du pinceau, il a besoin ce gros soufflé d'être un peu dégonflé. Oh oh, oh oh, mais il le sera bien et nous gravons sur son tombeau si j'y un beau salaud. Oh oh oh oh oh oh, sous les roses. Laissez-moi le encore une fois. Un bon zouk de 1988 et les enfants, 30 ans. Chanté par Pascal Vallot du groupe Zouk Balade avec deux L. Encore une fois, Zouk Balade. Encore une fois, Retour au Pays Basque. Egoac, ça vous dit quelque chose? Non. Egoac, si, au Basque, ça leur parle. Egoac, c'est un poème dans langue basque de Jochen Hartz. C'est une véritable ode à la liberté et à l'amour. Ce poème basque, donc, a été imprimé illégalement sur les serviettes d'un restaurant pour résister au régime franquiste qui interdisait d'utiliser la langue basque. Et puis, le poème est devenu depuis une chanson et elle est désormais le chant de tout un peuple, de son existence et de sa culture. Egoac, An Etchegoyan et le chœur Aiskoa. Second coup de chapeau pour Alexis Hachka. Alors, extrait de son nouvel album, sorti début octobre 2018, on raconte qu'il vit seul depuis si longtemps et qu'il engueule ses glaïeuls comme si c'était ses enfants, comme un ours, Alexis Hachka. Raconte qu'il vit seul depuis si longtemps, qu'il engueule ses glaïeuls comme si c'était ses enfants. On raconte que le soir il met deux couverts et prête prépare le dîner à son pote imaginaire, comme un ours bipolaire, un ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. Raconte qu'elle vit seule depuis si longtemps, qu'elle console son aïeul comme s'il était vivant. Toutes ses âmes sœurs se sont évanouies au fin fond du néant, de son âme envahie par des ours bipolaires, des ermites en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. Ours bipolaire, ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. Ours bipolaire. Ils n'étaient pas les seuls, âme seule ici-bas, mais les solitaires ne se rencontrent pas. Ils n'étaient pas les seuls à faire de leur lit une base arrière à la mélancolie, comme ces ours bipolaires, ces ermites en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans tes jours amers, ton regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans ta chair. Ours bipolaire, ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans tes jours amers, ton regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans ta chair. Ours bipolaire. Balade, balade autour du mot pinceau. Franck Monnet, c'est un auteur, compositeur, interprète, qui est né au Mans et il fut distingué lors du Grand Prix Charles Cros de la chanson française en 2001. Le pinceau à chanson, Franck Monnet. Je vais te peindre une chanson. Je veux te dire à ma façon. Toutes les chansons, loin de toute comparaison, entre folie et raison, utilise le pinceau à chanson. Je vais te peindre une chanson, changer ta prison en maison, et sans façon, sauver le monde du bouillon, oh là là, avant qu'un jour un gros con ne subtilise le pinceau à chanson. Piou piou, te peindre une chanson. J'aurai des scrupules sinon, car sans les chansons, on oublierait la moisson. De tous ces chants sans plus de nom, que fertilise le pinceau à chanson pour de bon. Pour de bon. Oui. Est-ce que tu as faim, Alexandre ? Oui. Oui, dit-il. Il a toujours faim. Bah, c'est un jeu-là, tu parles. Alors, quand on parle de gastronomie basque, on n'oublie pas le roi de la fête de la plupart des plats salés. Le roi de la fête, c'est le piment d'Espelette. Piperade, des chipirons sortent d'encornés cuisinés en beignets avec leur encre, l'achois de veau ou d'agneau, le poulet basquez et le tioro, l'équivalent de la bouillabaisse marseillaise. Côté dessert, on appréciera la tarte aux cerises et le flan basque au caramel. Et puis, une fois qu'on est parti au Pays Basque et que l'on revient, il faut ramener des souvenirs pour faire voir aux copains qu'on y est allé, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on va ramener du Pays Basque ? Oh, une paire d'espadrilles, c'est un peu la spécialité. Un maquila. Un maquila, c'est quoi ? C'est un bâton de marche en bois de néflier. Et puis du linge de maison aux couleurs rouge et blanc, bien sûr. Des colliers et des boucles d'oreilles en perles nacrées de Bayonne. Puisqu'on est à Bayonne, ramenons du jambon aussi. Et puis du pain d'épices et de multiples conserves artisanales. Et s'il vous reste encore un peu de sous, n'oubliez pas le célèbre béret basque, Luis Mariano Fandango du Pays Basque. Fandango du Pays Basque, fandango simple et fantasque, pour te danser dans les bras d'un garçon, une fille ne dit jamais non. Tout le village est en fête, et tout le monde est poète. Chaque ce soir ne songe qu'à l'amour, la montagne flirte avec l'amour. Fandango, fandango, rythme tous les bravos, et répète l'écho de Sarah Bilbao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour, fandango. Fandango du Pays Basque, fandango simple et fantasque, c'est grâce à toi que l'on fait des folies qui sont bien le meilleur de la vie. Et combien de mariages on a vu dans le village, sur tes accents si joyeux, si vibrants, et ton rythme qu'on a dans le sang. Fandango, fandango, rythme tous les bravos, et répète l'écho de Sarah Bilbao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour, fandango. Extrait du film « Par la fenêtre », sorti en 1948, la chanson de Stervel et Étienne Lorrain, « La rumba du pinceau », chantée par Bourville. C'est une chanson, c'est un film plutôt qui incarne un peintre en bâtiment, qui mate et qui observe par la fenêtre le comportement de ses semblables. Bourville, « La rumba du pinceau ». On m'a dit que c'était Millet qui avait peint l'Angélus. Je le connais, moi, l'Angélus. Quand j'étais petit, je le sonnais. Quant à moi, la peinture, je ne la mets pas sur les Angélus. Je la mets sur les murs. C'est normal, c'est ce qui se fait le plus. Je peins une brique, un tas de briques. Dis-moi long, ça dépend comment c'est selon la rumba du pinceau. Ça m'inspire le cerveau.

basilic. Mais venez donc tenter l'expérience avec moi. Une fois envolée, toute définition de ce qu'est la beauté nous fume sans mémoire. De voir que tu avais plein de conversations, et même des plus enrichissantes qui soient. Et les intellectuels ont repris dans la joie ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit. Et les gens pleins d'éthique, et les intellectuels, et les femmes activistes, et puis même ton frère, et le frère de ton cousin, entonnèrent dans le cœur ce merveilleux refrain. Ce que t'es belle, quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle, quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle, quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle, quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Et c'est ainsi que prend fin Patchwork. Ah ben vous n'allez pas pleurer, non ? Il me reste à remercier Yves et Alexandre pour la régie technique et vous, les auditeurs, pour nous avoir écoutés. Alors notre but, hein, vous le savez, c'est de vous intéresser tout en vous distrayant. Et puis surtout, n'oublions pas que la musique s'exprime dans tous les pays du monde, pas seulement aux États-Unis, ainsi que dans nos régions. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée La cerise sur le canto, Patchwork, où vous retrouverez entre autres la totalité des podcasts des émissions précédentes. Ne manquez pas Patchwork dans 15 jours et La cerise sur le canto dimanche prochain. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy, 94.2, ça c'est pour les Nancyens, et pour tous les autres, sur le net, fagette.net. Au revoir.